Avant toute chose, je voudrais remercier les organisateurs, donc Anne-Madeleine, Rémi et Mathieu, de m'avoir invité à présenter un travail en cours à ce colloque. Il y a donc un petit PowerPoint, mais aussi il y a des documents dont j'ai fait que 50 exemplaires, quoi, je crois, de chaque. Donc, s'il n'y en a pas assez, peut-être certains pourront suivre à deux, je suis désolé. Et donc, effectivement, je suis là pour vous parler des musiciens du roi, et j'avais proposé de travailler sur la manière dont ils réagissent face à l'émergence de ce que nous appelons depuis hier ces foyers. Élite musicale du royaume, garant d'une tradition monarchique et dépositaire de la dignité de leur corps ancestral, les musiciens du roi eurent à soutenir un point institutionnel important qui a toujours rendu a priori difficile et lente toute évolution structurelle et, par voie de conséquence, artistique. À la fin du règne de Louis XIV, au moment où émergent de nouveaux foyers qui concourent à une décentralisation et un décloisonnement de l'activité culturelle, à un moment aussi où, ne l'oublions pas, les musiciens sont débarrassés de la figure tutélaire mais écrasante de Lully, cet héritage semble lourd face aux évolutions qui bouleversent alors la vie artistique. Face à ces changements, il semble donc légitime de s'interroger sur le positionnement de ces musiciens du roi, comme je le disais, notamment ceux de la musique de la chambre, véritable vitrine de la musique de la cour, sur leur réaction face aux nouveautés et notamment, comme l'a évoqué tout à l'heure Catherine Massip, au développement de pratiques amateurs. Comment participèrent-ils à cette évolution? En furent-ils moteurs ou, au contraire, en subirent-ils les effets? À la fin du XVIIe siècle, la musique du roi, et notamment celle de la chambre, connaît elle-même d'importantes évolutions, avec l'arrivée de nouveaux musiciens, tels Couperin, Buterne, Marais, Vizet, Forqueray, Duval, Labarre, les dynasties des Hautes Terres et des Philidor, etc. C'est aussi l'invention ou l'essor de nouveaux instruments adaptés aux concerts, tels la flûte allemande ou traversière, le hautbois ou le violon, qui prend une importance nouvelle, sous-tendant de nouveaux répertoires et de nouvelles pratiques. Il n'est pas inutile de rappeler que les musiciens du roi ne servent généralement qu'une partie de l'année, le plus souvent par semestre, éventuellement par quartier, ce qui encourage une première émulation. En dehors de leur service, tous peuvent donc gérer, a priori relativement librement, leur activité de musicien, et beaucoup d'entre eux adoptent différentes démarches pour se faire connaître hors ou du moins en marge du service du roi, que ce soit à travers la pratique musicale, par le biais de l'édition ou en cherchant par le moyen de l'enseignement et de la transmission de leur art et de leur savoir-faire d'expert à toucher un nouveau public de musiciens amateurs. La plupart d'entre eux tissent également des liens, on l'a vu tout à l'heure et aussi hier, avec des personnalités plus ou moins influentes à travers les dédicaces de leurs œuvres, bien sûr, mais aussi par leur activité même et les milieux qu'ils côtoient, tant sur le plan professionnel que personnel. Beaucoup fréquentent de près ou de loin les cercles connus, les foyers culturels ou artistiques du moment, tels ceux de la Duchesse du Maine ou de Philippe II d'Orléans, mais pas uniquement. Identifier les contacts qu'ils jugent importants doit donc aider à déterminer s'ils cherchent à se créer des réseaux, le mot est lâché, ou si ces contacts révèlent de véritables stratégies ou résultent des démarches plus ponctuelles. À travers ces contacts, ces musiciens du roi suivent-ils une mode, ou cherchent la mode en tout cas, ou cherchent-ils au contraire à conserver, voire revendiquer une certaine indépendance en se prévalant par exemple de leur statut et de leur notoriété, de la dignité que leur confère leur appartenance à l'élite musicale du royaume. Quelle conscience en ont-ils? Se servent-ils de cette notoriété de musiciens d'élite, mais aussi d'une certaine manière de courtisans, pour se placer auprès de nouveaux mécènes ou amateurs? La mettent-ils en avant pour influer sur l'évolution musicale du temps, et dans quelle mesure sont-ils acteurs de cette évolution? Bien sûr, je ne prétends pas, dans le cadre de cette communication, répondre à toutes ces nombreuses questions, mais j'espère néanmoins mettre en lumière les aspects principaux d'une émancipation progressive de musiciens, à la fois très fiers de leur appartenance à l'élite musicale du royaume, mais également contraints par le poids de la lourde machine à imaginer des moyens d'expression, des stratégies auxquelles ils n'étaient pas forcément préparés. Pour cette communication, je me suis essentiellement concentré sur la musique instrumentale, ses répertoires et les démarches qui lui sont propres, dans la mesure où cette musique instrumentale, comme on vient de l'évoquer, me semble être à cette époque l'apport le plus moderne et donc potentiellement significatif de nouvelles démarches. Il faudrait bien sûr à terme pouvoir englober la production de musique vocale, la musique religieuse, on vient de le dire, bien sûr, mais aussi la production de musique profane, opéra, divertissement, ainsi que les recueils d'air, dont on sait, grâce notamment aux travaux d'Anne-Madeleine Goulet, à quel point ils peuvent révéler des réseaux importants au sein de l'aristocratie et de la bourgeoisie du temps. C'est ce que je ferai, j'essaierai de faire pour la publication. Alors, première chose, je pense, importante à signaler, c'est qu'en dehors du service du roi, les musiciens de la cour pouvaient se faire employer plus ou moins ponctuellement par des aristocrates de l'entourage royal. Les sources contemporaines, telles que les correspondances, dont Madame de Sévigné, évidemment, les mémoires d'Angeau, Saint-Simon, ou notre cher Mercure Galant, comporte de nombreuses relations qui attestent la participation de musiciens du roi à des fêtes et réceptions données dans les grandes résidences aristocratiques, notamment par, chez ou en présence de membres de la famille royale ou de princes du sang. On y retrouve évidemment les enfants légitimes ou non et petits-enfants du roi, notamment le duc et la duchesse de Bourgogne. Je ne détaillerai pas ça puisqu'on en a vu des exemples hier. La princesse de Conti, le duc, la duchesse du Maine. Tous donnent des fêtes souvent somptueuses auxquelles les musiciens du roi apportent régulièrement leur concours. C'est aussi le cas du prince de Condé, premier prince du sang, de son fils aîné, monsieur le duc. Le prince notamment s'attache à plusieurs musiciens du roi, j'en cite quelques-uns, le jeune Marin Marais, qui fut invité en 1677 lors d'un souper offert à Gabrielle de Rochechouart de Mortemart, marquise de Thianges, la sœur aînée de madame de Montespan. Jean-Baptiste Buterne, organiste de la chapelle du roi, qui fut appointé par le prince dans les années 1680, pour enseigner le clavecin aux filles, à ses filles, mesdemoiselles de Charolais et d'Enghien. Le prince louait encore, j'emploie ce terme avec quelques guillemets, les services d'autres instrumentistes parmi les plus fameux de la chambre du roi, tels en 1698 les théorbistes Robert de Vizet, le violiste Antoine Forqueray, les flûtistes René Pignon des Coteaux et Philibert Rébillet, qu'il rémunère pour quelques jours passés à son service en son hôtel parisien, puis à Chantilly. C'est un document qui est cité dans l'ouvrage abondamment évoqué depuis hier de David Henbel. Plus étonnant peut-être, des courtisans, plus ordinaires je dirais, faisaient, c'est relatif, mais faisaient également appel à des musiciens du roi dans le cadre de fêtes données à l'occasion de mariages. Ce fut par exemple le cas pour celui du duc de Saint-Simon avec la fille du maréchal duc de Lorge, à Paris, en l'hôtel de Lorge, en avril 1695, au cours duquel on entendit, je cite, le Mercure, un concert de flûte et de hautbois, où les sieurs Philibert et Descoteaux, encore eux, charmèrent à leur ordinaire. Ou encore le mariage du duc d'Albret avec mademoiselle de la Trémoille, ou Trémouille, à Paris, en l'hôtel de Créqui, l'année suivante, en 1996, au cours duquel, selon monsieur de Coulanges, dans une célèbre lettre à madame de Sévigné du 3 février, 96, les jeunes gens, pour s'amuser, dansèrent aux chansons, ce qui est présentement fort en usage à la cour, joua qui voulut, et qui voulut aussi, prêta l'oreille aux jolis concerts de Vizet, Marais, Descoteaux et Philibert. Il donne aussi des soupers, tel celui donné par le marquis de Dangeau dans son appartement de Versailles en juin 1704 au duc de Mantoue, lequel fut régalé d'un récit de musique italienne de la composition de M. Couperin, qui fut chanté par mademoiselle Couperin, sa cousine. De balles encore données lors du carnaval, comme celui donné par la chancelière de Pontchartrain à la duchesse de Bourgogne en février 1700, avec de nombreux musiciens du roi, parmi lesquels les chanteurs Jacques Bastaron, Vincent de Puvigné et le castrat Antonio Favalli, tous, précise le Mercure, de la musique du roi. Tous ceux d'entre nous qui fréquentent le Mercure Galant, c'est-à-dire tous, savent à quel point les occurrences de ce type sont nombreuses. J'en ai commencé un relevé aussi exhaustif que possible pour la période donc 82-1715, qui occupe déjà une trentaine de pages. Je citerai deux autres courtisans qui employaient des musiciens du roi. Des cas intéressants, le marquis de Livry, qui a été évoqué hier, qui semble s'être particulièrement attaché à un des membres de la famille Philidor, oboïste et compositeur. Les Philidor étaient, comme vous le savez, musiciens à la chambre et à l'écurie. Et ils sont, ce Philidor, dont peut-être Pierre, je pense, était présent lors de réceptions données par le marquis au grand dauphin dans cette demeure de Livry-le-Château, ou du Rincy, dont on a découvert hier la reconstitution. Le marquis de Livry accueillait également dans ses résidences les sessions du régiment de la Calotte, société festive d'origine militaire fondée en 1702. C'est probablement, c'est une supposition, mais peut-être séduisante, probablement à ces réunions que font allusion deux pièces de Couperin, Les Calotins et les Calotines, ou la pièce à Trétout, et La Calotine, donc dans le troisième livre de 1722, ainsi qu'une troisième pièce, Le Concert Calotin de Louis-Antoine d'Ornel, publié en 1731. Je citerai également le lien qui unissait le violiste de la chambre Hilaire Verloge, dit Alarius, à Charles de Lévis, duc de Ventadour, qui, en 1716, laissait aux musiciens la jouissance, rien de moins, de son hôtel particulier de la rue de Charonne, Faubourg Saint-Antoine à Paris, contre une faible somme, et surtout à la condition que celui-ci vienne jouer pour lui une fois par semaine. Deux cas particuliers, le cas du Grand Dauphin, qui ne disposait pas de maison véritable, qu'il partageait en fait avec le roi. Il pouvait profiter donc de la maison du roi ou de la reine, et notamment de quelques-uns de ses musiciens. Cette particularité peut d'ailleurs expliquer que l'on trouve quasiment systématiquement des musiciens du roi lors de ses déplacements et réceptions à l'extérieur de la cour, notamment chez Monsieur le Duc, fils du prince de Condé, chez qui il se rendait régulièrement dans sa résidence de Saint-Maur ou son hôtel parisien du Luxembourg, souvent accompagné de son fils, le duc de Bourgogne. A l'inverse, le duc d'Orléans, donc les deux, Philippe Ier et Philippe II, disposait, le duc d'Orléans, disposait d'une maison importante, on l'a vu, Don Fader l'a rappelé hier, et de sa propre musique. Il ne faisait donc que très exceptionnellement appel à des musiciens du roi. La frontière entre les deux musiques, d'ailleurs, étant très poreuse, la musique du duc d'Orléans servant souvent d'antichambre, d'ailleurs, à la musique du roi. C'est le cas de Garnier, par exemple, qui est claveciniste du duc d'Orléans et qui devient organiste de la chapelle du roi en 1702, de François Duval, qui entre la musique de la chapelle en 1710 et au 24 violon en 1714, etc. Il y a plusieurs exemples comme ça. Parmi les musiciens du roi fréquemment employés par les princes, je vous avais mis un extrait du Mercure Galant, qui est bien connu. Parmi les musiciens du roi fréquemment employés par les princes et courtisans, on retrouve donc plusieurs musiciens favoris à l'objet de ces réceptions qui reviennent de manière récurrente dans les sources. Je les ai évoqués, c'est Visé, le théorbiste et guitariste, entrée la musique du roi vers 1682, Antoine Forqueray, violiste ordinaire, de la chambre à partir de 1689, Jean-Baptiste Buterne, organiste de la chapelle du roi depuis 1978 et surtout... Encore Philibert Rébillet, dit Philibert, et René Pignon des Coteaux, tous deux flûtistes ordinaires de la Chambre du Roi à partir de 1678, comme Buterne. Omniprésents dans les divertissements aristocratiques, les deux musiciens apparaissent même dans un conte publié dans le Mercure Galant, qui invente un foyer fictif, idéal, dans le cadre duquel les deux musiciens, je cite, déployaient tout le secret de leur art et étaient tout autres que chez les plus grands seigneurs. Je vous laisse lire. Pour se faire connaître hors de ces cercles forcément fermés de l'élite aristocratique, et donc se faire connaître d'un public amateur, comme il a été évoqué tout à l'heure, friand de nouveautés, de nombreux musiciens du roi s'attachèrent à faire éditer leurs œuvres, comme l'a rappelé notamment Catherine Massip. C'est le premier document, je vous renvoie au premier document que j'ai distribué, qui donne la liste des principaux. Liste non exhaustive des principaux recueils de musique instrumentale, donc de musiciens du roi entre 1682 et plus ou moins 1715. Je me suis permis d'aller jusqu'au début des années 1720, puisqu'il y a des choses intéressantes qui se passent justement à la mort du roi. Ils éditent d'abord chez Ballard, seul imprimeur du roi pour la musique. C'est une voie classique, en fait, et a priori logique, mais qui ne concerne cependant que peu de musiciens du roi dans ces dernières années du règne, du moins pour la musique instrumentale. Les raisons peuvent être multiples. Ce type d'édition était qu'il jugeait trop coûteux et pas assez rentable pour l'imprimeur, peut-être. Ou était-il jugé trop classique par les musiciens, peu souple et adapté aux innovations de ces nouveaux répertoires instrumentaux et trop contraignante au vu du monopole que détenaient les Ballard sur l'impression musicale. Quelles que soient les raisons de ce désintérêt, on voit que les musiciens eux-mêmes furent attentifs à obtenir eux-mêmes des privilèges pour diffuser leurs œuvres. J'ai intégré dans une colonne les privilèges qui sont imprimés donc à la fin de ces recueils. L'édition musicale sous privilège d'auteur supposait le procédé de la gravure, plus souple que l'impression en caractère mobile et qui surtout permettait de ne pas tomber sous le coup du privilège dont jouissait l'imprimeur du roi. Pour ces musiciens, outre l'obtention de privilèges, l'affichage dans le cadre éditorial de leur qualité de membre de la musique du roi est une préoccupation importante. Était-elle imposée par l'administration de la maison du roi? C'est ce que je ne sais pas. Mais comme on le voit donc dans le document, tous en tout cas prennent le soin d'afficher sur la page de titre, et l'on peut supposer qu'ils considéraient cette mention comme un gage de qualité, un sceau nécessaire qui constituait aussi une véritable caution morale et artistique auprès du public, et pour laquelle ils semblent respecter une sorte de hiérarchie très rapidement, d'abord primauté de leur fonction à la musique du roi, sur leur appartenance conjointe éventuelle à l'Académie royale de musique. En effet, la plupart des musiciens membres des deux corps n'affichent pas le second, extrêmement rarement. Le seul cas, c'est Jean Ferry Rebelle, qui indiquera son appartenance conjointe aux deux corps. Ensuite, les musiciens du roi privilégient leur appartenance à la musique de la chambre, pour eux sans doute plus importante à signaler que leur appartenance à la musique de la chapelle. Quand ils font partie des deux corps, peu affichent en effet cette seconde appartenance, donc à la chapelle, mais quand ils l'affichent, c'est cependant la chapelle qui l'emporte. D'abord, musicien de la chapelle, mais et de la chambre. Vient ensuite seulement l'appartenance aux 24 violons. Ici encore, les musiciens membres conjoints de la chambre et de cet orchestre, pourtant prestigieux aux yeux des contemporains, ne mentionnent souvent que leur appartenance à la chambre. Un cas unique, cependant, c'est celui du violoniste François Duval, qui en 1715, dans son recueil, son cinquième livre de sonates dédié à Louis XIV, se réclame des trois corps, puisqu'il se dit symphoniste ordinaire de la chapelle et de la chambre du roi et l'un des 24 violons de sa majesté. Outre cette appartenance à la musique du roi, ces publications peuvent nous en apprendre sur les activités, les pratiques ou les réseaux d'amitié ou de clientèle de ces musiciens du roi. Les dédicaces, tout d'abord, comme la... évoqué Catherine Massip tout à l'heure. On trouve quatre dédicaces de musiciens du roi au roi, entre 1682 et 1715, toujours sur la musique instrumentale, hein, je le rappelle. Je ne les énumère pas, vous les trouverez. Bon, c'est Robert de Vizé en 82-86, François Duval 1707, Jacques-Martin Hautoterre 1708, et une, l'année de la mort du roi, 1715, François Duval, encore, ce cinquième livre de sonates pour violon et basse continue. François Duval vient d'entrer à la musique du roi en 1710, et à la chapelle, donc, puis au 24 violons en 1714. C'est aussi l'année de la réédition du recueil d'Hautoterre, qui était déjà dédié au roi en 1708. En 1716, donc une année après, dédicace au jeune Louis XV, alors âgé de 6 ans, c'est de François Couperin, « L'art de toucher le clavecin », dans lequel le compositeur explique à l'enfant roi qu'il a enseigné le clavecin à son père et qu'il espère avoir le même honneur avec lui. J'ai dénombré trois dédicaces entre 1701 et 1716 au duc Philippe II d'Orléans. J'en ajoute une de La Ferté, voilà, que j'ai oubliée. Bon, quand je dis, ce n'est pas forcément exhaustif, mais enfin, ça donne quand même déjà une idée. Donc encore trois dédicaces de musiciens du roi, 1701 Marin Marais, deuxième livre de viol, 1712 Hautoterre et sonate en trio, c'est intéressant puisque c'est Hautoterre sacrifié là à ce nouveau genre venu d'Italie, particulièrement apprécié dans les cercles italianisants et notamment celui du duc d'Orléans. 1716 Visée et pièces de théorbe et de luth mises en partition pour dessus et basse, donc c'est la seule dédicace de musiciens du roi, dédicace de pièces instrumentales de musiciens du roi adressées au duc en tant que régent. On trouve d'autres dédicaces à d'autres personnages. On relève en revanche quasiment pas de dédicaces à des princes de la maison de France. La seule, comme l'a évoqué hier Thomas Vernet, étant d'Anglebert, le duc de Classin, à la princesse de Conti. On peut s'étonner de ce phénomène, quand on sait combien de musiciens du roi ont joué devant eux pour leur divertissement. Dédicace à des membres du cercle de Philippe d'Orléans. Le cercle n'est pas mieux représenté. Le seul dédicataire du cercle est Jean-Louis François Durieux du Fargy, comte de Minilabert, nommé chambellan de Philippe II d'Orléans en 1710, et à qui Hautetert présente sa seconde suite à deux flûtes sans basse en 1717. Et qui, donc, selon la dédicace, Monsieur du Fargy, flûtiste lui-même et probablement élève de Hautetert. Des dédicaces à d'autres grands, on trouve le maréchal duc Anne-Jules de Noailles, le deuxième livre de Duval en 1706, deux recueils à l'abbé de Breteuil, qui était le grand maître de la chapelle musique du roi. Donc là, c'est Pierre Nanigan Philidor qui est le seul à mentionner aussi un des seuls à mentionner son appartement à la chapelle. Des personnages civils, donc deux demoiselles, Marie-Anne Roland, on connaît la célèbre dédicace de Marin Marais. Et on voit émerger de nouveaux types de dédicataires à partir de 1710, donc des fermiers généraux, des administrateurs, des financiers, on les a vus tout à l'heure. Un cas intéressant de dédicace au public, Marin Marais, 1711. Autres éléments qui peuvent nous donner des renseignements... autres éléments qui peuvent nous donner des renseignements sur nos musiciens, les titres qu'ils donnent à nombre de leurs pièces constituent tour à tour des hommages à des protecteurs, des traces de réseau et clientèle, des traces topographiques aussi des foyers, etc. Nous savons tenter de retrouver sous ces titres et noms des traces cachées des cercles des compositeurs présentent un aspect à la fois très ludique et très frustrant, tant les références peuvent être difficiles à élucider. Pour la période qui nous occupe, elle concerne donc cette mode de donner des titres, concerne essentiellement quatre musiciens du roi, le claveciniste et organiste du roi Couperin, les flûtistes de la chambre Michel de la Barre et Hautetert, et dans une moindre mesure Robert de Vizé. Là, c'est le document 2 en fait, que j'ai distribué, où j'ai essayé d'identifier le plus possible, ou de donner des hypothèses au moins pour identifier les personnes. Sans pouvoir ici rentrer dans les détails, donc je renvoie au tableau, il est assez évident de reconnaître dans les œuvres des trois musiciens du roi adeptes des pièces à titre les principaux foyers évoqués hier, notamment ceux du Grand Dauphin, du Duc d'Orléans ou de la Princesse de Conti. Le réseau le plus riche étant, de par la quantité de musique, celui de François Couperin qui nous brosse à travers son œuvre de clavecin un tableau de la société aristocratique et bourgeoise de son temps, mais aussi une peinture touchante de sa propre intimité, allant jusqu'à rendre hommage à ses propres élèves, souvent de haut rang. Couperin est d'ailleurs le seul à afficher très clairement son activité pédagogique, qu'il a pris soin d'indiquer au titre de trois de ses recueils, ses activités pédagogiques auprès des enfants de France. L'effort pédagogique, d'ailleurs, est un autre moyen de désenclavement pour les musiciens du roi. On a vu tout à l'heure la bataille qui s'était opérée pour ce droit à l'enseignement, donc qui prend fin en 1707. C'est d'abord être accessible, il faut se rendre accessible au public afin de les guider dans leur apprentissage de la musique. Il faut figurer dans le livre, on peut figurer dans le livre commode des adresses, hein, on retrouve tous les musiciens du roi, comme l'a dit Catherine Massip tout à l'heure. Il s'agit aussi de donner au public des conseils pour bien jouer les répertoires auxquels ils donnent accès à travers l'édition de leurs œuvres. Ce sont tous les petites préfaces, les tables d'agrément, les explications qu'ils donnent quasiment systématiquement. Donc là, c'est encore dans les tableaux où j'ai essayé de détailler tout ça de manière très succincte. C'est essentiellement dans les années 1700-1710 en fait, que les musiciens donnent des explications pour bien jouer leurs œuvres, notamment les recueils dédiés à ces nouveaux instruments que j'ai évoqués tout à l'heure, notamment la flûte. Michel de la Barre et Hautetert vont détailler la manière de bien jouer leurs pièces. Ce n'est cependant qu'après la mort de Louis XIV qu'on verra des musiciens du roi donner au public des ouvrages spécifiquement pédagogiques et somme toute de manière parcimonieuse. Ils sont d'ailleurs peu nombreux pour la période qui nous intéresse. J'ai évoqué le premier tout à l'heure, c'était l'art de toucher le clavecin de Couperin, qui se dit être redevable auprès du public de ce qui l'a amené à faire évoluer lui-même son art. Et le deuxième, ce sont les principes de la flûte traversière, publiés par le flûtiste de la chambre, Jacques-Martin Hoteteur, en 1720. Avec cet ouvrage, j'ai fait d'ailleurs d'une pierre trois coups, si j'ose dire, puisque ce ne sont pas que des principes pour la flûte traversière, instrument qu'il dit être à la mode, hein, mais des principes pour la flûte à bec et aussi pour le hautbois, dont la famille Hoteteur était, que la famille Hoteteur pratiquait. Voilà. Voilà, je voulais évoquer un dernier cas, mais je ne le ferai pas parce que vous le voyez dans mon tableau. C'était justement par rapport à cette nouvelle dynamique d'enseignement, notamment à travers les nouveaux instruments, donc encore les flûtistes. Le cas a été évoqué par Catherine tout à l'heure. C'est le cas de ce fameux Chauvet. Pour lequel on a plusieurs dédicaces, mais on a aussi des pièces dans les recueils de flûte. On en a au moins trois, des pièces qui s'appellent La Chauvet. Donc là, on a, sans compter que Dornel mêle à cette Chauvet, énormément de pièces dédiées aux flûtistes de la chambre, Hoteteur, Labarre, Descoteaux, et donc Chauvet. Et d'autres flûtistes qui sont... Donc là, on a probablement effectivement un foyer de qui mêle flûtistes, des maîtres flûtistes et amateurs. Donc ça, c'est effectivement tout ça à voir, hein, et à éplucher et à mettre en corrélation. Alors en conclusion, s'il paraît évident que, assez logiquement d'ailleurs, les musiciens du roi s'attachent à se rapprocher des foyers influents au crépuscule du grand règne, donc pour des raisons stratégiques, diplomatiques et on l'a évoqué aussi financières, hein. Ceux-ci restent malgré tout très attachés à leur corps. La multiplicité des cercles qu'ils s'attachent à toucher, comme on voit dans mon document 2, tant à travers leurs dédicaces que leurs petits portraits en musique, et ce malgré les réseaux logiquement privilégiés, il semble également indiquer qu'ils veillent, sans doute là encore pour des raisons stratégiques et diplomatiques, à une certaine neutralité du fait de cette multiplicité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas privilégier tel ou tel réseau, mais vraiment un peu noyer les réseaux dans tout un faisceau et un microcosme impressionnant qui procède plus d'une recherche d'équilibre, je pense, et d'un véritable exercice de courtisan. Je crois d'ailleurs que la notion de foyer pour eux reste un peu lointaine et un peu floue. A l'inverse, peut-être pouvons-nous nous demander si le fait de faire appel aux musiciens du roi ne constituait pas, pour les membres de ces foyers eux-mêmes, une sorte de communauté d'esprit, de communion dans leur identité même, le fait d'avoir toujours les mêmes musiciens du roi, hein, qui viennent et qui gravitent dans tous ces mêmes cercles. Une identité, en fait, qui pouvait ainsi s'opérer à travers la musique.